بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات بهذا الدرس في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى Bienvenue aux chers frères et sœurs dans cette assise bénie inshallah bénite inshallah تعالى اليوم سنتذاكر بإذن الله تعالى في الناقد السابع الذي ذكره الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. Aujourd'hui, on va, inshallah, réviser le septième annulatif qu'a cité l'Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله dans son épître Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'Islam. Il nous dit donc, rahimahullah, السابع, السحر, ومنه الصرف والعطف, فمن فعله أو رضي به كفر. Il nous dit le septième, donc le septième annulatif, la sorcellerie. Et fait partie de celle-ci, donc fait partie de la sorcellerie, الصرف, et donc l'éloignement, ainsi que العطف, le rapprochement. Donc le fait d'éloigner deux personnes, et le fait de rapprocher deux personnes, donc, ou de faire en sorte qu'une personne soit accrochée à une autre. Celui qui fait cela, ou qui l'agrée, qui est satisfait de cela, celui-ci aura mécru. Wa dalil est la preuve, la parole d'Allah Ta'ala. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Et ils, donc les deux anges, ils ne l'enseignent à personne avant de lui dire « Certes, nous sommes une épreuve, nous sommes une fitna, ne m'écrois pas. » La takfur. Surat al-Baqarah, le verset numéro 102. Et donc, les savants ils nous disent concernant la sorcellerie « Es-sihr, sin-ha-ra » dans la langue arabe. Qu'est-ce qui est voulu par ce mot? Donc, dans la langue arabe, ce qui est voulu, c'est tout ce dont les causes sont donc difficiles à distinguer, difficiles à connaître. Les causes ne sont pas apparentes. Et c'est pour cela qu'on a un repas dans la langue arabe. Donc le repas qu'on prend avant de jeûner, donc on prend avant l'aube. Ce repas-là, il s'appelle As-Sahar. As-Sahar, parce que c'est un repas dont les gens ne sont pas censés être au courant. C'est-à-dire que les seuls qui sont au courant de ce repas, ce sont ceux qui le prennent pour pouvoir jeûner pendant la journée. Mais les autres personnes, dans les autres demeures, ils ne sont pas au courant qu'un tel, maintenant, il est en train de prendre son repas. Pourquoi ? Parce que c'est une heure durant laquelle les gens dorment. Mais dans la législation, qu'est-ce qui est voulu par ce terme ? La sorcellerie, le terme « sihroun » dans la législation. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri, « hafidhahullah ta'ala » Il nous dit, c'est tout ce qui va avoir un impact sur le cœur ou le corps. Parmi les éléments qu'on va utiliser par animosité, transgression et criminalité envers celui qui subit la sorcellerie, tels que des incantations, des récitations, des nœuds sur lesquels on souffle, des potions et des antidotes. Et donc ça, c'est important de connaître la définition de la sorcellerie, même si certains savants disent qu'il est difficile de définir la sorcellerie parce qu'elle est tellement vaste. Elle englobe énormément de choses. Et donc, il y a deux formes de sorcellerie. La première forme de sorcellerie, c'est la sorcellerie avec laquelle le sorcier va utiliser des nœuds, des incantations, il va donc céder des shayatines, des diables. Alors le sorcier qui fait cela a donc fait de la mécréance. Et est sorti de l'islam. À l'époque, on avait vu une divergence entre les ulémas sur ce sujet. Est-ce que le sorcier sort de l'islam ou pas? Et la divergence qui stipule donc que l'imam Shafi'i rahimahullah, il contredit la majorité. La majorité qui voit que le sorcier est mécréant, Et l'imam al-Shafi'i qui voit que le sorcier n'est pas mécréant. Sauf que lorsqu'on regarde l'argumentation de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, l'imam al-Shafi'i, il dit que le sorcier n'est pas mécréant si celui-ci ne travaille pas avec les chéatines, ne fait pas ce qui va impliquer de la mécréance. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de divergence en fait entre eux. Ils sont d'accord. Car comme on l'a dit, il y a deux formes de sorcellerie. La sorcellerie par laquelle le sorcier va s'aider des diables. Et donc, cette sorcellerie-là, elle fait sortir de l'islam selon donc tous les madhahib. Et il y a la deuxième sorcellerie qui est donc le fait d'utiliser des potions et des antidotes pour donc faire du mal à une personne. Et ici, la personne, donc ce sorcier-là, ne va pas utiliser les diables, il ne va pas céder des diables. Ce sorcier-là, il ne sort pas de l'islam, mais il accomplit un grand péché. Il accomplit un grand péché. Tayyib, est-ce que le sorcier peut se repentir? Est-ce que le sorcier peut se repentir? Il y a divergence. Ce qui est voulu par là, c'est est-ce qu'il a à repentir? Est-ce que son repentir est accepté? Il faut savoir que les ulama ont divergé. Il y a divergence entre les gens de science sur ce sujet. Est-ce que le repentir du sorcier est accepté ou pas? Donc certains ulama qui nous disent que non, il n'y a pas de repentir pour le sorcier. Mais il n'y a nul doute que l'avis le plus juste est que le sorcier peut se repentir. Et ceci en se basant sur la généralité de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala quand il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Ou du moins, excusez-moi, l'autre verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Et donc, à partir du moment où la personne se repent, Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tous les péchés. Et concernant l'autre verset où Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé, mais il pardonne en dessous de cela pour qui il veut. Ce qui est voulu ici, c'est la personne qui ne s'est pas repentie. La personne qui ne s'est pas repentie. Allah ne pardonne pas le polythéisme. Mais lorsque la personne se repent, Allah pardonne tous les péchés, même le polythéisme. Et certes, cela nous rappelle, ô chers frères et sœurs, cela nous rappelle l'histoire de Moussa face aux sorciers. Lorsque Pharaon, alayhi min Allah, ma yastahiq, lorsque Pharaon a rassemblé les sorciers et pour s'opposer à Moussa alayhi salam, mais que les sorciers, lorsqu'ils ont vu que Moussa était venu avec un élément, il était venu avec quelque chose qui n'avait rien à voir avec la sorcellerie et qui était... Ce avec quoi Moussa est venu était beaucoup plus fort que la sorcellerie. Et donc, que s'est-il passé? Les sorciers, lorsqu'ils ont compris cela, ils se sont jetés prosternés. Et ils ont dit, comme Allah tabaraka wa ta'ala le cite, « Qalu amanna bi rabbil alamin » Certes, nous avons cru au Seigneur de l'univers. Certes, nous croyons au Seigneur de l'univers. Rabbi Moussa wa Haroun, le Seigneur de Moussa et de Haroun. Et donc, ils ont cru. Ils se sont repentis. Alors Pharaon les a menacés. Il les a menacés de les châtier avant de les tuer, de couper les membres, de les couper, leurs membres opposés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les sorciers? Ils sont restés fermes. Ils sont restés fermes. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous dit « قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. Certes, nous allons retourner vers notre Seigneur. Que tu nous tues ou que tu ne nous tues pas, dans tous les cas, on va retourner vers Allah, tabaraka wa ta'ala. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. Et le seul reproche que tu peux nous faire, ô Pharaon, c'est le fait que nous avons cru aux signes de notre Seigneur lorsqu'ils sont venus à nous. Rabbana afrigh alayna sabra wa tawaffana muslimin. Ô Seigneur, accorde-nous de la patience et fais-nous mourir en pleine soumission. Fais-nous mourir en pleine soumission. Il y a divergence chez les exégèses du tafsir. Est-ce que effectivement Pharaon il les a tués ou pas? Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que les sorciers se sont repentis. Et donc voilà pourquoi j'appelle les sorciers à se repentir et à délaisser ce sur quoi ils sont. Ici en Martinique et ailleurs, malheureusement ici en Martinique, nous sommes éprouvés par ça. Nous sommes éprouvés par ça, c'est un business. Et donc nous appelons ces sorciers à se repentir et à délaisser cette gravité, cet égarement dans lequel ils sont. Particulièrement que ceux qui sont connus ici, ils ne sont pas connus par le fait d'utiliser des potions ou des antidotes. Ils sont connus par le fait de prétendre connaître l'invisible, de pouvoir changer des choses dans la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est de la mécréance. D'avoir un certain pouvoir, c'est de la mécréance. Et donc nous les appelons à se repentir et à revenir vers l'islam, la seule religion agréée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans le verset qu'a cité l'auteur, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Et donc les deux anges ne l'enseignent à quiconque, ils n'enseignent la sorcellerie à quiconque, sans lui dire certes nous sommes une fitna, nous sommes une épreuve, alors ne m'y crois pas. Il se peut qu'une personne, elle nous dise, mais comment se fait-il que des anges, ils enseignent la sorcellerie aux hommes? Les anges, et en plus les anges, ils leur disent, certes nous sommes une fitna, nous sommes une épreuve, alors ne m'y crois pas. Alors pourquoi est-ce que les anges, directement, pour éviter que la personne ne tombe dans la mécréance, ils ne l'enseignent pas? Pourquoi est-ce que les anges, directement, au lieu d'enseigner cette sorcellerie, pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas empêchés de le faire? La réponse, elle est simple. En fait, c'est pour éprouver les serviteurs d'Allah. Comme ils le disent, comme c'est cité dans le verset, nous sommes une fitna, nous sommes une épreuve. Et l'épreuve, elle permet de distinguer les croyants des incroyants. Elle permet de distinguer ceux qui sont sincères, ceux qui sont véridiques, des menteurs, des hypocrites. Et donc, celui qui a créé les anges, c'est le même qui a créé Iblis, qui a créé Dajjal pour éprouver la créature. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a cité énormément de sagesse dans la création de Iblis, de Shaitan. Le fait que les personnes vont combattre les ambiguïtés de Shaitan et qu'ils vont s'efforcer de ne pas le suivre, ces personnes sont récompensées. Cela permet de distinguer ceux qui sont sincères dans leur foi et donc ensuite il y a un point important aussi à aborder, c'est le jugement de ceux qui vont voir les sorciers. Des personnes peuvent aller voir des sorciers pour plusieurs raisons. Et donc celui qui va voir le sorcier afin de le dévoiler et de mettre en garde contre lui. Il va voir le sorcier, il lui demande quelque chose, parce que c'est un sorcier qui ne veut pas montrer aux gens qu'il est sorcier, il se cache, etc. Alors cette personne, elle va voir le sorcier pour dévoiler le sorcier et pour mettre en garde contre lui, pour le dénoncer auprès des autorités. Alors il n'y a nul doute que cet acte est louable. Certains savants même disent que cela est obligatoire. Il est obligatoire qu'il y ait dans la communauté des personnes qui agissent pour mettre en garde contre les sorciers, pour les dévoiler, afin que les gens se méfient d'eux. Et il se peut qu'une personne aille voir le sorcier afin d'apprendre la sorcellerie. Ça, c'est interdit. Et c'est de la mécréance. C'est aussi de la mécréance, selon l'avis le plus juste des ulama, en se basant sur le verset qu'on a cité précédemment. وَمَنْ يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Et il ne l'enseigne à quiconque avant de lui dire, certes, nous sommes une fitna, alors ne m'y crois pas. Et donc, l'apprentissage de la sorcellerie, c'est de la mécréance. Il se peut qu'une personne aille voir un sorcier afin de lui demander d'ensorceler une autre personne. D'ensorceler une autre personne. Et ça, il n'y a nul doute que c'est interdit. Et celui qui fait cela, il va aider, il va assister le sorcier dans sa mécréance. Il va assister le sorcier dans sa mécréance. Et donc, cela vous montre, ô chers frères, le danger. Le danger de cet acte, le fait d'aller voir un sorcier pour ensorceler quelqu'un. Et il se peut même que cette personne sorte de l'islam, elle aussi. Si cette personne croit que ce que le sorcier a fait, que la sorcellerie qu'il a fait, cette personne, elle croit que c'est licite, elle sort de l'islam. Elle sort de l'islam, comme l'ont dit les ulama. Et il y a un autre cas encore, le cas de la personne qui va voir le sorcier afin de défaire un sortilège. Une personne qui a été ensorcelée, elle perd patience, elle va voir un sorcier afin que celui-ci défasse donc le sortilège que cette personne a en elle. Et donc il n'y a nul doute que cela aussi est interdit. Et certes, il a été rapporté dans le Sunan d'Abi Daoud, rahimahullah, selon Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé concernant An-Nushra. An-Nushra, les savants les ont dit, c'est justement le fait de défaire la sorcellerie par une autre sorcellerie. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, huwa min amali shaytan. Cela fait partie des actes du diable. Cela fait partie des actes du diable. Et donc il est important, cher frère, barakallahu fikum, que cette personne patiente, qu'elle revienne dans l'obéissance à son Seigneur. Comment pouvons-nous délaisser celui qui a tout créé, celui qui est capable de tout, et aller vers des charlatans, des personnes qui sèment le désordre sur terre? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et parfois, donc, certaines personnes vont aller voir des voyants. Il faut savoir que celui qui va voir le voyant, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours, comme cela a été rapporté dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. Celui qui va voir un voyant et qui l'interroge sur quelque chose, sa prière ne sera acceptée durant 40 nuits. Sa prière ne sera pas acceptée durant 40 nuits. Et donc ça, c'est grave. Combien de personnes vont aller voir des sorciers? Et ça, ça nous montre qu'on ne doit pas être négligent sur ce sujet. Si vous voyez qu'il y a des sorciers autour de vous, des sorciers qui se mélangent dans la communauté musulmane, il n'y a nul doute qu'il faut mettre en garde contre eux. Ils vont appeler les gens à ce que leurs prières ne sont pas valables. À ce que leurs prières ne soient pas valables. Ils vont appeler les gens à la mécréance, à sortir de l'islam. Il ne faut pas être leurré par le fait que parfois certains sorciers vont à la mosquée ou même vont diriger des prières. Comme d'ailleurs a été interrogé le très savant Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, sur ce sujet. Et il y a le cas de ceux qui vont voir des sorciers qui vont les croire. Il va interroger le sorcier sur quelque chose. Le sorcier va lui donner une réponse et la personne va croire ce sorcier. Alors, certes, l'imam Ahmed a cité dans son recueil Mousnad selon Abi Hurayra radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul fa qad kafara bima unzila ala Muhammad. Celui qui va voir un voyant et qui le croit dans ce qu'il dit, celui-ci aura mécru, il aura rejeté, il aura traité de mensonge ce qui a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il n'y a nul doute, oh chers frères, après avoir entendu cela, il n'y a nul doute, barakallahu fikoum, que nous devons faire attention à ce grand fléau. Que nous devons faire attention à cela. Allah tabaraka wa ta'ala nous a mis en garde face à la sorcellerie dans son livre, le Coran, qu'il a envoyé comme guidé. À travers aussi la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les savants musulmans sont unanimes quant à l'interdiction de cette pratique. Comment pouvons-nous après cela faire preuve de négligence sur ce sujet, barakallahu fikoum? Et donc j'appelle mes frères et sœurs à prendre conscience de l'importance du sujet et à conseiller toute personne que nous pouvons conseiller sur ce sujet, les personnes que nous savons qu'ils peuvent aller voir ce genre d'individus, leur montrer avec les preuves l'interdiction de cela. Si nous pouvons même conseiller, envoyer des personnes qui ont la capacité de conseiller ces sorciers afin qu'ils se repentent et qu'ils reviennent à Allah tabaraka wa ta'ala, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner nos péchés. Il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum ورحمة الله وبركاته.